Vous êtes bien sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net et il est l'heure de retrouver les bons plans solidaires du GSA présentés par Damien. Et c'est parti pour une nouvelle édition de l'émission Les bons plans solidaires qui vous est proposée par le GSA, le groupe solidaire actif de l'association Arelia. La Dream Team, ce mois-ci, va, comme toujours, vous proposer des bonnes idées, des conseils, des infos, des bons plans pratiques et surtout très économiques, voire gratuites. Alors nous commencerons l'émission aujourd'hui avec Alain qui lui va nous parler des bienfaits du synthol et de ses différents usages. Ensuite nous aurons Loïc, notre spécialiste culture geek, qui va nous parler cinéma, livres et expositions. Après nous aurons Rudy qui lui va nous donner des bons conseils pour s'habiller le moins cher possible à Nancy et ses alentours. Ensuite, nous aurons notre première pause musicale avec Emma Peters, Le temps passe. Ensuite, pour notre deuxième partie d'émission, elle sera un peu spéciale car elle sera dédiée à la Saint-Valentin avec Mélissa qui nous a concocté un repas simple, pas cher et délicieux pour une soirée en amoureux. Ensuite, nous retrouverons encore une fois Loïc qui va cette fois-ci nous donner quelques bons conseils cocooning en duo pour la Saint-Valentin. Après, nous aurons notre deuxième pause musicale spéciale Saint-Valentin avec le morceau « La vie en rose » de Lady Gaga du film « A Star is Born » qui, n'oublions pas, que la version originale est celle d'Edith Piaf. Et pour la troisième partie d'émission, eh oui les amis, vous allez voir « La vie en rose » car nous aurons Laetitia, votre présentatrice préférée des bons plans solidaires qui est aujourd'hui chroniqueuse, va nous donner deux astuces beauté à faire soi-même. Ensuite, nous allons parler des victoires de la musique 2022, la 37e. Et pour finir, nous aurons Lionel et Rudy pour les jeux des anniversaires des stars. Vous voyez, le programme est bien chargé. Alors, on commence tout de suite. Bonjour Alain, comment vas-tu ? Bonjour Damien. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits du synthol. Si vous avez mal la tête, prendre une bande de gaz, imbibez-la de synthol et mettre autour de la tête. À l'enlever au bout de 10 minutes. Si vous avez les bras et les jambes lourdes, prenez un gant de toilette, imbibez de synthol et faites des frictions pendant 5 bonnes minutes. Laissez sécher. Pour une douleur aux dents, vous pouvez la soulager en trempant une compresse dans du synthol et l'appliquer de chaque côté des joues. Si vous avez les pieds fatigués et meurtris, prenez une bassine assez large, la remplir à moitié d'eau chaude et y mettre un demi-verre de synthol et 2 cuillères à soupe de gros sel. Mélangez le tout et trempez les pieds une vingtaine de minutes. Retirez-les sans les essuyer et allez vous coucher. Les bienfaits du synthol soulageant les petites douleurs, mais à utiliser avec modération et lisez bien la notice. Et n'en avalez pas. Merci et bonne journée à tous. Eh ben, merci Alain pour tous ces bons conseils pour l'utilisation du synthol, puisque c'est vrai qu'en ce moment, avec les périodes de froid, et les sports à la neige, ça pète pas mal comme produit. Merci pour tout, Alain. Et maintenant, nous retrouvons Loïc, notre spécialiste culture geek. Bonjour Loïc, comment vas-tu ? Salut Damien, ça va très bien, merci. Donc bonjour à tous, et oui, comme d'habitude, je vais parler de culture geek avec 2 films, 2 livres, mais aussi 2 expositions qui pourraient vous plaire en ce mois de février. Allez, on se plonge dans le monde du cinéma et plus particulièrement le cinéma français. 2 comédies rien que pour vous. On commence par Super-héros malgré lui, avec un casting humoristique dont Philippe Lachaud, Julien Ruti et Tarek Boudali. Moment de rigolade à gogo avec le parcours d'un apprenti comédien en galère qui va être victime d'un accident. La mémoire perdue, il est persuadé d'avoir une mission exceptionnelle à accomplir. Je vous laisse deviner ce qui va se passer sur car cette comédie est disponible depuis le 2 février dans les salles de l'UGC, Kinépolis et Royal Saint-Max. 2e comédie française qui sortira le 16 février dans les salles de l'UGC et du Kinépolis. Elle s'appellera Maison de retraite, avec un casting très connu, dont Kev Adams et Gérard Depardieu. Notre héros est contraint d'aller effectuer 300 heures de travaux d'intérêt généraux dans une maison de retraite au lieu d'aller en prison. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Ayant vu la bande-annonce, je vous le conseille vivement car un casting comme tel, les fous rires sont garantis. Allez, on continue notre voyage direction le monde de la littérature. Vous aimez les polars ? J'ai ce qu'il vous faut. Depuis le 10 février, Olivier Merle a sorti son livre intitulé « Dans l'ombre du loup », racontant le parcours d'un officier de police pas comme les autres qui va faire face à une enquête dangereuse et très perplexe. Va-t-il réussir à la résoudre ? Réponse dans nos librairies et sur les plateformes internet. Le deuxième livre est un réel coup de cœur pour moi. Disponible dans nos librairies et sur les plateformes internet à partir du 15 février, « L'île aux papillons » de Corinna Baumann va vous faire voyager sur l'île du Sri Lanka pour y découvrir la quête de Diana qui part à la découverte d'un secret pesant sur sa famille. Nombreux mystères vous attendent dans cette incroyable histoire. On termine ce voyage culturel avec deux expositions qui m'intéressent grandement. Vous aimez l'histoire avec un grand H ? Le mercredi 16 février à 18h30 aura lieu une conférence avec comme thème « Les militaires à Vendeuvre » avec la présence de Michel von Hatten. L'entrée est gratuite, plus d'informations sur michel.daru@aaahv.fr. Je finis par une exposition qui aura lieu du mercredi 23 février au dimanche 10 avril 2022 au CCAM Scène Nationale à Vendeuvre. Pour petits et grands, dès 6 ans, sur le thème des dessins d'Hervé Houellebecq. Si vous ne le connaissez pas, il adore faire des dessins sur le thème de l'ironie et de l'imagination. Plus d'informations sur le site du CCAM. Eh bien, merci Loïc pour toutes ces infos bien sympas, de quoi passer des débuts de soirée tranquilles après une bonne journée de boulot ou un petit week-end pépère. Et maintenant, nous accueillons Rudy. Bonjour Rudy. Bonjour Damien et bonjour aux amis auditeurs de Fadjet. Alors toi, tu vas nous donner des bons conseils pour s'habiller le moins cher possible à Nancy et ses alentours. C'est bien cela Damien. Je vais vous proposer des bons plans pour s'habiller moins cher, voire gratuit. Quand vos ressources ne vous permettent pas d'acheter des vêtements dans les boutiques, on sait bien que les temps sont parfois durs. Pour en avoir visité pas mal, je vous assure que l'on trouve de très très bonnes affaires, de quoi renouveler son armoire. Je vous conseille d'y aller souvent et bien chercher et de fouiner. Prenez votre temps, c'est toujours sympa et agréable. Alors voici les quelques listes que je vous propose. Alors, je vous propose le vestiaire du Secours Populaire, 3 rue du Charmois à Nancy, juste à la limite de Vendeuvre. Il faut prendre contact au 03 83 51 78 26. Je répète, le 03 83 51 78 26. Le vestiaire du Secours Catholique, lui, se trouve à Nancy, 11 impasse de la Colline. Vous pouvez prendre contact au 07 57 46 72 11. Je répète, 07 57 46 72 11. Vous pouvez également, les amis, vous rendre chez Emmaüs, à Vendeuvre et Nancy, à l'adresse suivante, au 32 rue du 8e régiment d'artillerie, anciennement le magasin But, tout près du parc des expositions. Il y a également une petite boutique de prêt-à-porter féminin sous forme de dépôt-vente et pour vous essentiellement mesdames qui se trouve 36 rue Charles III à Nancy. Pour s'habiller pas cher, il y a également les friperies de Nancy. Vous en trouverez une rue Alfred Mézières, une autre 35 rue de la Commanderie, également une autre 21 rue des Quatre Églises, une qui se situe au 8 rue de la Visitation. Et une dernière pour la route, qui se situe au 18 rue du Pont César à Nancy. Vous pouvez également trouver sur différents sites web différents, listes de friperies, évidemment des dépôts-ventes, et des sites de vente en ligne sur la région. Les sites que je vous recommande sont The Plento Frip, mais aussi sur frippy.co.slash.fr. Vous avez enfin des magasins de dépôts-ventes de particulier à particulier à Vendeuvre, 22 rue Jean Mermoz ou 41 rue des Placieux à Nancy. Et enfin, n'oublions pas les marchés extérieurs et aussi en couvert, comme les marchés du dimanche matin sur Vendeuvre-les-Nancy, où l'on trouve des stocks de vêtements à 1 ou 2 euros pièce. Surtout, allez-y. Et d'ici 2 mois, les brocantes et vide-greniers vont redémarrer dans toute la région. Et là aussi, à vous les bonnes affaires. Un tout dernier conseil, Si vous changez votre garde-robe et que vos anciens vêtements sont encore en bon état, n'allez pas jeter tout cela à la poubelle. Surtout pas! Donnez-les à des associations. Vous verrez, vous ferez plaisir à plein de monde et vous faciliterez le recyclage, ce qui est bon pour la planète. Il faut savoir être économe et aussi malin. Et aussi solidaire, comme le titre de l'émission. Voilà, j'espère que ces bons plans vous permettront de belles économies et de vous faire plaisir. Surtout, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain où je vous proposerai cette fois des bons plans pas chers ou gratuits pour trouver des livres, des disques, des DVD, des vieux vinyles et plein de jolis objets culturels et de décorations originales. Bonne journée à tous. Eh bien, merci pour tous ces bons conseils, Rudy. Et dis-moi, je vois que tu as une belle chemise. Tu l'as peut-être chinée dans tous les endroits que tu nous as énoncés. Un petit peu, oui. Un petit peu, d'ailleurs. Voilà, vous voyez, chers auditeurs de Fadjet, nos chroniqueurs n'hésitent pas à tester leurs propres chroniques. Nous passons maintenant à notre première pause musicale avec Emma Peters. Le temps passe. Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je peux faire oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mes potes me disent de tourner la page et d'avancer. Mais quand le film est beau, je veux encore le regarder. Chant contre chant, j'oublierai tout de notre premier feeling. Ça floutera les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu brisé et toi. T'es un peu triste. Tout va se réparer. J'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace. Partageons nos passions sur Fadjet. Alors maintenant, et comme je vous l'ai dit en début d'émission, là c'est la partie un peu spéciale car nous allons vous donner quelques petits plans sympas pour la Saint-Valentin. Et nous accueillons tout de suite Mélissa qui elle va nous concocter un repas simple et pas cher et délicieux pour une soirée en amoureux. Bonjour Mélissa, comment vas-tu ? Bonjour Damien, super et toi ? Bah nickel, impeccable. Alors d'Ivoire, qu'est-ce que ce bon petit repas ? Alors je vous propose, chers auditeurs, une petite recette Enfin, un petit repas pour une soirée sympathique en amoureux et surtout pas très cher. Alors en entrée, je vous propose un œuf cocotte au jambon et à la ricotta. Donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 4 œufs, 2 tranches de jambon, 4 cuillères à soupe de ricotta, du sel et du poivre. Alors, vous commencez par préchauffer votre four thermostat 7 à 220 degrés. Vous beurrez des petits ramequins, puis vous coupez en tranches les jambons. Puis, vous les placez à l'intérieur des ramequins. Recouvrez-les de ricotta. Cassez délicatement un œuf cru au fond de chaque ramequin, en prenant soin de ne pas casser le jaune. Puis, salez et poivrez selon votre goût. Déposez ensuite vos ramequins au centre d'un grand plat que vous aurez préalablement rempli d'eau chaude. Puis enfournez-le dans un four bien chaud et laissez cuire au bain-marie 5 à 6 minutes, jusqu'à ce que le blanc d'œuf soit cuit. Sortez les œufs cocottes du four et servez immédiatement avec du pain de campagne grillé. Ensuite, en plat, je vous propose des tagliatelles au saumon. Donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 500 g de tagliatelles fraîches, de préférence, 35 cl de crème fraîche, une noix de beurre, du poivre, du sel, de la muscade, du parmesan râpé et un filet de saumon frais ou surgelé coupé en dés. Vous cuisez les pâtes à l'eau bouillante salée selon le temps indiqué sur le paquet. Pendant ce temps, vous faites fondre le beurre dans une casserole et ajoutez-y la crème. Quand la crème est bien chaude, plongez-y les dés de saumon. Ils doivent cuire à la chaleur de la crème. Quand ils sont cuits, ils doivent se détacher. Ajoutez le sel, le poivre et la muscade moulue. Égouttez ensuite les pâtes et disposez-les dans un grand plat rond et nappez de crème au saumon. Vous pouvez servir cela avec du parmesan au-dessus. Ensuite, en dessert, je vous propose des bananes caramélisées et de la glace à la vanille. Simple et efficace. Vous aurez besoin de 4 bananes bien mûres, 100 g de sucre, 80 g de beurre et un citron vert. Faites chauffer votre poêle et mettez-y du sucre dès qu'elle est chaude. Ajoutez-y un peu de citron. Dès que le caramel commence à dorer, ajoutez-y le beurre bien froid en petits dés. Attention aux éclaboussures de caramel chaud, hein. Coupez ensuite les bananes dans le sens de la longueur et mettez-les dans la poêle. Laissez-les cuire environ 4 minutes en les retournant régulièrement. Les plus gourmands pourront ajouter des amandes effilées, du chocolat fondu ou encore du coulis de framboise. Donc pour ce repas, vous en aurez pour 12 euros, donc pour 2 personnes. Donc c'est pas très cher et faites-vous plaisir. Hein. Bon appétit! Eh bien, merci pour tout, Mélissa. Et d'ailleurs, tu crois que tu aurais moyen que je sois ton Valentin pour le soir-là? Parce que bon, ça a l'air d'être bien bon ton petit repas là. Je vais tester alors, on verra. Ça marche, merci pour tout Mélissa. Et maintenant, nous retrouvons de nouveau Loïc, dit le petit chouchou, qui là cette fois-ci va pas nous parler de culture geek, mais de bons conseils pour une petite soirée cocooning en duo pour la Saint-Valentin. Alors mon petit Loïc, vas-y, explique-nous tout. Là. Alors j'ai fait cette chronique parce que je sais que certains couples préfèrent passer la soirée en duo, bien au chaud dans leur cocon, à l'abri du froid de l'hiver. Et pour réaliser ce souhait, il y a plein de bonnes idées. Le 14 février approche à grands pas, étalez vos pétales de rose, allumez vos bougies, chantez la sérénade et écoutez mes petits conseils gratuits pour passer une soirée fort sympathique. Commençons simplement. Faites un effort, cherchez dans vos placards, vos meubles. Il y a bien un jeu de société qui traîne quelque part. Pendant que vous cherchez, demandez à l'élu de votre cœur d'allumer quelques bougies, de plonger la pièce dans une ambiance chaleureuse et amoureuse. Et jouez. Enlevez le mauvais joueur ou la mauvaise joueuse qui est en vous et éclatez-vous. Le principal est de vous amuser, mais aussi de passer un bel instant avec celui ou celle qui accompagne votre vie sentimentale. Autre idée, étant passionné par le monde du cinéma, je suis sûr que vous pouvez trouver un bon film à regarder en amoureux. Oubliez les pop-corns, les bras de celui ou celle qui sera avec vous remplacera la gourmandise. Toutefois, évitez de vous endormir ou de regarder Titanic. Préférez les films avec une happy end, et croyez-moi, sur le thème de l'amour, vous avez l'embarras du choix. Par exemple, une belle histoire d'amour de nos fameux Disney. Petit clin d'œil. Les filles, imitez la Belle au bois dormant et attendez-vous à un baiser surprise, qui sait. S'il vous ignore les filles, il serait peut-être temps d'inviter le voisin ou quelqu'un d'autre. Bien évidemment, je rigole. Le but, encore une fois, étant de passer un bon moment en amoureux, l'un contre l'autre, sous le plaid, devant un bon film d'amour. Je citerai Dirty Dancing, The Holiday, et en France, on peut trouver La Boum avec la belle Sophie Marceau, ou encore La Piscine avec le beau Alain Delon. Enfin, avec moins de rides, je l'avoue. Je vous embête encore un peu, quoi de mieux que de se remémorer de bons souvenirs? Sortez vos albums photos avec les photos de votre première rencontre ou si vous êtes de la nouvelle génération, sortez votre téléphone portable et remémorez-vous ces instants qui ont construit votre couple. Des souvenirs qui vous rappelleront sûrement que vous êtes en face du véritable élu de votre cœur. Et messieurs, pourquoi pas sortir le grand jeu avec cette date symbolique? Alors à genoux et faites votre demande. Pour la suite, je vous fais confiance, nous ne ferons pas de dessin, mais célébrez l'amour comme il se doit. Je ne suis pas Cupidon, mais en ces temps troublés, profitez de cette soirée invoquant l'amour pour en profiter. Pour déclarer votre flamme, vos sentiments, l'amour est une émotion qui fait du bien. Alors je finirai par dire, faites l'amour et pas la guerre. Allez, bonne Saint-Valentin à tous. Eh bien, merci Loïc pour tous ces bons conseils en amoureux pour la Saint-Valentin. C'est l'heure de notre deuxième pause musicale spéciale Saint-Valentin avec Lady Gaga, La Vie en Rose. À tout de suite. Des yeux qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'apporte rien. C'est plus qu'une radio. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net et nous attaquons maintenant la troisième partie de l'émission. Et nous accueillons tout de suite Laetitia pour ses astuces beauté. Bonjour Laetitia, comment vas-tu ? Salut Damien, ça va ? Bonjour à tous. Ah oui, alors moi je vais vous parler de deux masques. Alors, qu'est-ce qui est mieux qu'une soirée à la maison avec son chéri ? Ne réfléchissez pas trop longtemps, on vous donne la réponse. Imaginez-vous un instant avec votre bien-aimé, chez vous, tranquille, avec un masque sur le visage tous les deux. Elle est pas belle la vie ? Il n'y a pas que les femmes qui peuvent avoir des problèmes de peau et d'impureté. Les hommes aussi ont la peau fragile. Pour pallier ces problèmes, pourquoi ne pas l'entretenir à deux ? Une belle manière, histoire d'allier l'utile et l'agréable. C'est pourquoi je vous propose deux masques 100% naturels à réaliser sans vous ruiner et à concocter avec votre Jules pour retrouver une peau plus souple, jeune, saine et fraîche. Le temps d'une soirée cocooning. Alors, le premier masque, c'est à base de concombre et de citron. Tout d'abord, mixez quelques tranches de concombre que vous avez au préalable découpées. Pressez le demi-citron et récupérez le jus que vous allez ajouter au jus de concombre. Mélangez bien le tout, puis battez un blanc d'œuf que vous allez incorporer dans le mélange. Laissez reposer 5 minutes et après avoir réalisé la recette, appliquez le mélange avec un pinceau 15-20 minutes et nettoyez votre peau à l'eau tiède. Ce masque va permettre à vos pores de se resserrer et de lutter contre les impuretés. Il est vraiment bien celui-ci, je l'ai testé. Le deuxième, que j'ai testé aussi, c'est au miel, citron et à la banane. Alors, prenez la banane et écrasez-la dans un bol pour en faire comme une purée. Ajoutez ici la cuillère à soupe de miel, la cuillère à café de citron, remuez bien la texture, appliquez le masque sur votre visage avec un gant imbibé d'eau tempérée, en évitant les yeux bien sûr. Laissez reposer 15 à 20 minutes, puis rincez votre visage. Eh bien, merci Laetitia, super astuces beauté. Et du coup, comment ça se conserve ces produits pour faire les masques ? Eh bien, écoute, ça, tu le fais en une seule fois. Tu appliques sur le visage et après, normalement, tu n'en as plus. Tout ça, en fait, c'est pour une seule application. Voilà, tu t'en sers juste pour ton visage une fois. Et après, tu recommences quand tu veux le refaire. Ça coûte combien tout ça ? Niveau budget ? À peu près, ouais, niveau budget. Bah, tu sais, c'est tous des trucs qu'on a à peu près chez nous. Moi, je dirais 3 euros. Hein. Oh, bon, bah super. Eh non, bah, merci bien, Laetitia. Merci. Et voilà, les amis. Alors maintenant, nous allons parler d'un rendez-vous incontournable de l'année, qui sont les Victoires de la musique 2022, qui ont lieu ce soir et qui seront diffusées en direct sur France 2. Et c'est la 37e déjà. Alors Loïc, pour quel artiste tu as voté toi ? Alors moi j'ai déjà hâte de regarder cette émission et j'ai voté dans la catégorie chanson de l'année Bruxelles je t'aime d'Angèle. Bruxelles je t'aime, tu m'avais manqué. Bruxelles je t'aime. Et puis dans la catégorie concert, j'ai voté pour Woodkid. Ah, c'est pas ce groupe-là que tu as été voir au Nancy Jazz Pulsation l'année dernière ? Alors oui, Woodkid, il était au NJP de l'année dernière à Nancy. Ah bah super, et Angèle, c'est sa dernière chanson il me semble. C'est la dernière chanson qu'elle a sortie en effet. D'accord, nickel. Et toi Laetitia, pour qui tu as voté ? Moi Dams, j'ai voté pour alors l'artiste masculin Julien Doré, parce que je kiffe tout simplement. Non, on ira voir la mer. Et l'artiste féminine Clara Luciani. Ah oui, Clara Luciani, oui, j'ai déjà entendu parler, ouais. Ah bah merci, nickel. Voilà. Et toi, Mélissa, alors, vas-y, dis-nous tout, pour qui t'as voté, toi ? Alors moi, en artiste féminine, j'ai voté pour Oshi. Je t'aime, comment on fait ? Je t'aime, plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de... Et en album, j'ai voté pour Orelsan avec son album Civilisation. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Ah bah oui, pareil, son tout dernier album. Ouais, c'est ça. Mmh, super. Et toi alors, Alain ? Vas-y. Dis-nous pour qui tu as voté. Moi, j'ai voté pour un chanteur qui a disparu il y a une paire d'années, Claude François, le téléphone pleure. Ah bah oui, alors du coup, lui, il risque de gagner. Lui, c'est sûr et certain, il gagne. Et toi, Lionel, pour qui tu as voté, toi, cette année ? Alors moi, c'est un vivant, s'il te plaît. Oui. Hein ? C'est Juliette Armanet, qui est pour moi la nouvelle Véronique Sanson. Ah, d'accord. Ne me lâche pas la main, c'est la fin. Et toi Rudy, pour qui tu as voté cette année ? Moi je regarde pas moi. Ah oui, t'es comme moi quoi. Oui, voilà, voilà. Bon, à part Alain Bachung ou... Oui, aussi, oui, voilà, Alain Bachung, Françoise Hardy, Jacques Dutronc. Eh ben merci pour tout Rudy. Bien, merci Loïc, Laetitia, Alain, Mélissa, Lionel et Rudy pour vos votes pour les Victoires de la musique. Et maintenant, la fin de l'émission approche à grands pas, mais pas avant de retrouver nos acolytes Lionel et Rudy avec les anniversaires des stars nés en février. Eh bien oui Damien, nous allons transformer un petit peu cette rubrique qui clôture habituellement l'émission et vous proposer un petit jeu à vous de découvrir qui sont nos stars mystères, toutes nées ce mois-ci et avec quelques indices qui vous permettront de retrouver leur nom. Eh bien, vous êtes toutes et tous concentrés, chers auditeurs de Fadjet et chroniqueurs, alors c'est parti. Notre premier star mystère est né le 24 février et aura donc dans quelques jours 59 ans. Pour nous donner quelques indices, j'ai l'honneur d'accueillir le grand Michel Drucker qui le connaît bien. Bonjour Michel. Bonjour Lionel et bonjour à tous les auditeurs de Fadjet, magnifique radio que j'ai bien connue d'ailleurs. Alors dites-moi Michel, où est né et où a grandi notre star mystère? Alors il est né, ça c'est sûr, à la maternité de Rouen, un dimanche en salle d'accouchement, et a passé toute son enfance au Havre, dans un HLM, au dernier étage, rue Louis Courrier. Oh, quelle précision, Michel! Bah oui, vous savez, je connais toutes les stars, depuis leur naissance, et j'ai connu leurs parents et leurs grands-parents. Alors, dites-moi, Toutankhamon, Michel, quelle a été sa première réussite à notre star née en février? Trop facile la question, Lionel. Ça s'est passé dans les Vosges. À Gérardmer, il avait 14 ans. Il était en vacances et il a gagné un jeu d'une émission de radio présentée par Fabrice, magnifique Fabrice, que j'ai bien connu, fils de René Simon, comédien et créateur des cours Simon à Paris. Alors là, vous m'épatate, Michel. Mais revenons à nos moutons. Une autre anecdote sur notre star mystère? Quand j'étais petit, j'étais abonné à Pile Gadget, qui échangeait après l'avoir lu, contre le journal de Mickey, que son voisin recevait chaque semaine. Je vous ai dit, je connais tout sur tout le monde. Oui, calmez-vous Michel, vous avez le cœur fragile ces temps-ci, n'allez pas nous péter un câble en direct de Fadjet. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Eh bien, il fait de la télé. Et bien sûr, voudrait bien me piquer ma place. Il a commencé à la télé avec Jacques Martin, à qui j'ai repris les émissions du dimanche. Mais ce type fait plein d'émissions, des divertissements, même les grosses têtes. Il a même présenté l'Eurovision. Il est prêt à tout pour me piquer ma place. Je vous le dis, je le sais. Mais moi, je ne lâcherai rien. Je suis jeune, j'ai tout l'avenir devant moi. Et ce n'est pas lui qui va me remplacer à la télé. Oui, oui, très très très bien Michel. On va arrêter là, le SAMU arrive. Ils vont vous calmer. Merci Michel. De rien, ça me fait plaisir de dire du mal de lui. On a toujours trouvé que j'étais trop gentil. Magnifique. Alors, chers auditeurs et chroniqueurs, vous avez trouvé qui était la star mystère? Oui. C'est qui? Renaud. Non. Laurent Ruquier, oui. Bonsoir, c'est moi, c'est Laurent. Alors, on continue le jeu, vous allez découvrir cette fois-ci une nouvelle star mystère. C'est une femme, donc c'est pas Renaud, hein, Laetitia. Elle aura 71 ans le 22 février, et pour trouver son nom, j'ai le plaisir, vraiment le plaisir d'accueillir Gérard Depardieu. Bonjour Gérard, quel plaisir de vous recevoir. Oh, salut mon pote, et bonjour à Fadjet. Tiens, Fadjet, on croirait bien le nom d'une radio russe. J'adore la Russie, quel beau pays. D'accord Gérard, on vous croit. Mais pouvez-vous nous donner quelques éléments sur notre star mystère? Eh bien, c'est simple. C'est Coluche qui l'a trouvé, son nom, au Café Théâtre. Hein, vous savez, le petit Café Théâtre, oui, que j'ai bien connu d'ailleurs. Hein, parce qu'elle était plutôt mollasse. Je peux vous dire aussi que dans son premier grand film, elle était plus souvent à poil qu'habillée. J'en sais quelque chose, parce que je jouais avec elle. Et puis, il y avait le poteau aussi, Patrick Devers. Devers de cognac, s'il te plaît. Oh, oh oui, aussi dans ce film. Qu'est-ce qu'on s'est éclaté, hein? On a envoyé tout valser. Je crois que nos auditeurs ont déjà une petite idée, même une grande idée. Une autre précision, Gérard? Elle a été nommée 10 fois au César, parce que c'est une super comédienne qui a joué avec moi dans Germinal, mais n'a eu qu'un seul César. Pas étonnant! Tous des abrutis au César, tous des jaloux, des frustrés de la pellicule. Non, mais je te les enverrai chez mon pote Vladimir Poutine, tourné dans des mules de sel. Merci Gérard pour tous ces indices. De rien mon pote, c'est fini, je peux aller becter. Je vais aller à l'hôtel de la Reine sur la Plastane à Nancy. Et je vais me taper toute la carte, j'ai un petit cru. Eh bien, bon appétit Gérard. Alors, chers auditeurs, avez-vous trouvé le nom de notre star mystère? C'est ça, il s'agit de Miu Miu qui fêtera son anniversaire le 22. Et maintenant, nous allons jouer une dernière fois pour découvrir notre dernier invité mystère qui fête lui son anniversaire ce mois-ci, comme tous les autres. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Renaud. Bonjour Renaud. Salut tout le monde, salut Fadjet, Alors, dites-moi, Renaud, pouvez-vous nous donner quelques indices sur notre star mystère qui est né en février? Ouais, je la connais bien, ta-ta-ta. C'était un babacool dans les années 60 et 70, ta-ta-ta. Avec sa barbe, il devait fumer grave le chichon car il voyait sa maison en bleu quand il est venu rejoindre sa sœur Catherine à San Francisco. Bon, après, il s'est calmé un petit peu. Et depuis, il a sorti des sacrées belles chansons, ta-ta-ta, comme « Embalada » ou « Né quelque part ». Ah là, je crois donc que tout le monde l'a reconnu. Un dernier indice, peut-être? Ah oui, ta-ta-ta. Il faisait quasiment, depuis le début, les concerts des Enfoirés pour les Restos du Cœur. Et a aussi écrit quelques bouquins. Il s'occupe de chevaux aussi. J'ai écrit une chanson où je l'appelle le Fox Terrier. Eh bien, merci Renaud de tous ces indices. Pas de quoi, ta-ta-ta, merci Lionel. Dès que ton jeu se terminera, je repartirai, ta-ta-ta. Eh bien, les auditeurs et la Dream Team, vous avez reconnu la star mystère? Oui, Maxime Le Forestier, bravo. Qui a eu 73 ans. Eh bien, merci à toutes et à tous de votre participation et surtout un grand merci à Rudy Cola, un jeune imitateur de Nancy qui rejoint à partir de ce mois-ci la Dream Team des Bons Plans Solidaires. Bravo et merci Rudy. Eh bien, merci à vous tous. Eh bien, merci Lionel et Rudy pour cette super chronique. Et voilà, l'émission Les BPS est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, moi et toute l'équipe, une joyeuse fête de la Saint-Valentin et plein de bonnes choses. Faites l'amour, des bébés et mangez plein de chocolat. Bravo. Et dans quelques instants, il sera l'heure de retrouver nos copains de l'équipe du 13 en forme pour les news et le mag. Et vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur fadjet.net et nous envoyer vos bons plans par mail sur le, en minuscule, gsa@arelia-asso.fr. Donc je répète, le gsa@arelia-asso.fr. Nous, on se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit, pour de nouveaux bons plans solidaires. D'ici là, portez-vous bien et toute l'équipe vous souhaite une belle journée sur Fadjet 94.2. Et surtout, prenez soin de vous et des autres. Salut à tous, bye bye. Bye bye.